Fac de belle parole. Femme sont créatures qui doivent. Y a trop de cas, soit de belle parole. Mais y'a remarqué aucun trop d'importance. Y'a voulu jeter au comme si on a souffrance. Que aucun trop importance. Yo voulais jeter au comme si on a souffrance. Femme qui gésie tout partout. Remédie garçon, c'est pas colo. Femme qui gésie tout partout. Remédie garçon, c'est pas colo. Déclaré mes chéris, moi aimé. Yo bêtisé, yo passé en avance. Le ou déclaré mes chéris, moi aimé. Yo bêtisé, yo passé en attente. Cherche un moyen pour battre Thomas. Viendra rentrer au Cétine qui compte là. La cherche un moyen pour battre Thomas. Mais maman chérie, va vite surveiller. Allez vous en, papa en tête chargée. Mais maman chérie, va vite surveiller. Allez vous en. Ma tête chargée. Yo con l'autre système pour y adopter. C'est à l'extrême. Yo con l'autre façon. Yo dis ou sans pensant. Si ou pas gen gros bandiguette. La pouye gado comme coq sans bec. Si ou pas gen gros bandiguette. La pouye gado comme coq sans bec. Allez non, allez ou là-bas. Je ne veux pas vivre, mesdames. Allez, non, allez où là-bas. Moi, papa, je ne veux pas vivre, mesdames. s'arrête, s'arrête, s'arrête. Pas besoin de pomme d'âme. Très, très, très, très grave sur l'habitation. Pas besoin de pomme coloquette. Pomme coloquette. C'est un monde pour mon respecter. Ouais. Ah. Pas besoin de pomme coloquette. Tout l'homme qui gêne garçon. Si vous pouvez avoir une femme coloquette dans la main, vous pouvez avoir une femme. Vous pouvez avoir une femme. Ah. Mon saillot. Yo pas gagne l'autre nourriture. Banana poisson. Ou bien tu qui la poivre avec. C'est pour plus vite. Ha. Alors le plus souvent, mon sort toujours une petite conversation. On prend. Ou poser, on prend. C'est jour là, par contre, ça passe camarade là. L'arrivée poser ma m'a question. Qui question qu'on prend poser là? Chérie. Qui signe? Qui signe? Dans la pente de l'écoscope, lui, ça va pas une femme de répondre. Oh, signe-moi, signe-moi. L'argent, tout ça, deal. L'argent, là, dit chez Renal, faut du bon là-dedans. L'argent, là, dit chez Renal, faut du bel. L'argent, tout le champ de choses. L'argent, tout ça, deal. L'argent, bon. Mais pas qui peut être là. Monde ça, yo. Vous pouvez nous lever demain matin. La gade ou. Ou abgade. Pas même mon tichi. Même mon brin de figue. Ah. Bon, même pas qui vit là. Le plus souvent, l'homme de la caille, mon saillot. Pantalon, c'est tout dans tout la caille au coquille. Alors, mon saillot, j'ai toujours mon tichi, j'ai pas comme d'a dit. Il y a un petit caresse. On va passer maintenant tête. Vous faites petit capot. Vous pouvez être dans l'oreille. Vous comprenez. Alors, façon pour pas attendre. Pour moteur, on ne peut pas attendre. Pour moteur, on vend. Mais moteur, pas grand marché l'autre. Parce qu'il est arrivé à marcher sur trois cylindres. Attendez. C'est kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata. Alors, viens, je nous même, pour un petit genre. Sans sucre. Sans sucre. Sans sucre. Pour comprendre, pas posséder, on va qu'on a rien. On va qu'on soit, ouais. Oh, oh. Pantalon tombe, battant, c'est tcha, tcha, tcha, sans mon baron. Il y a là où est qui boye, où est cotoye. Bon. Pas qui vous gagne, l'autre va le dormir la caille, mon sa yo même. Le plus souvent, pantalon c'est tout dans ce senti. Je vais pantalon dans le cloua. Alors la pression, vous allez lever dans la nuit là, pour la jouer dans le pantalon, vous comprenez. Des 20 poulies, au lieu de vous pantalon dans ce senti là, c'est deux pieds pantalon le coquille. Pantalon vite tête en bas. Tout sort possédé, tout tombe dans le plancher. Alors, vu que le plancher a gagné tout, on va lancer la dépouille. Hein? Bon, ça c'est toi qui est là, méchaille là. Maga qui vient là. L'autre loi là, c'est quand on t'a dit, c'est quand on docteur Wally. L'aime tout ça. Moun. Tous ces garçons. Garçon, les conseils vont même elles même paraître dans la porte là, ils paraissent dans la porte là. Avancez. Le suivant qui laisse quitter là avant rentrer. Le suivant qui laisse quitter là avant rentrer. Le suivant qui laisse quitter là avant rentrer. Alors qu'on a haïtien, l'autre haïtien côté, faut toujours garder ton bagaille. Par contre, ça passe, n'est-ce qu'on va faire discussion? Oh oui! Dès pas 6h du matin là, ou pas passer en vent. Ou pas passer en vent, ou faire que vini ou pas passer en vent. Ou pas passer en vent. Et puis pour mademoiselle même, qui paraît en porte la cheville gaillé. Sué pour petit bouquet. Qui paraît qu'il tombe à bégué. Non, pas. À faire discussion. Tout a passé. Ou passez déjà ou même. Ou à fin double encore. Ou passez déjà. On pourrait mon saio. Vous mettez pelle à sa main. Vous ne pas jamais. Alors, même qui jeune garçon rempli d'avenir, faites attention. Pas bide que mes lasses à tout dans main. Pour mon saio, pas faire la dernière sous. Femme coloquette. Hey! pas mes dames. Allez-vous-en, ancien photo à pédale, coussin PC, bois fouillé, corédan, coloquetan. Mandé changement, outside.